L'exposition culturelle de la République populaire démocratique de Corée pour la Journée du Soleil est inaugurée le 14 courant à Dandong, Chine. Y ont pris part Pang Myung-ho, chargé d'affaires par intérim coréen en Chine et ses collaborateurs, la délégation de l'exposition culturelle de la République populaire démocratique de Corée pour la Journée du Soleil, les Coréens en Chine, les personnalités de différents milieux de la province de Liaoning de Chine et les citadins. Les participants ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les photos du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un avant de leur rendre hommage.